ignorais tout ça. Et tu n'en savais pas plus que moi. À nos amours, avec ma pomme et ta gueule d'amour. Même si c'est pas tout rose tous les jours, mon cœur se bat pour toi, mon amour. Mon corps en a envie tous les jours. Moi qui ne crois plus guère à signe un seul mot de toi, je vole en éclats. Avant toi j'ignorais tout ça, et tu n'en savais pas plus que moi. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Un signe seulement de toi, je vole en éclats. Avant toi j'ignorais tout ça, et tu n'en savais pas plus que moi. Avant toi j'ignorais tout ça, et tu n'en savais pas plus que moi. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours?